Petite âne de Paris, prête-moi tes souliers gris pour aller en paradis. Paradis est ainsi beau qu'il y a trois petits agneaux. Paradis est ainsi beau qu'il y a trois petits agneaux. Petite âne de Paris, prête-moi tes souliers gris pour aller en paradis. Paradis est ainsi beau qu'il y a trois petits agneaux. Paradis est ainsi beau qu'il y a trois petits agneaux.